Et si nous le voulons, nous les noyons. Pour eux alors, pas de secoureurs et ils ne seront pas sauvés.